crise géopolitique majeure, minuit moins 3 à l'horloge de l'apocalypse. Suite de l'état du monde en juillet 2015. Écoutez. Le bulletin des physiciens atomistes de l'Université de Chicago publie depuis le début de l'ère nucléaire, The Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse, indiquant l'approche plus ou moins grande de minuit, instant de l'apocalypse finale. En 2015, l'horloge s'est avancée subitement de minuit moins 5, depuis 2012, à minuit moins 3 comme lors de la crise des euromissiles en 1984. Le bulletin des physiciens évoque pour justifier cette avancée l'aggravation du danger climatique et le haut niveau des tensions US à Russie, les deux pays modernisant et durcissant en outre leur arsenal nucléaire. Il est vrai que la situation géopolitique mondiale s'est fortement tendue ces derniers mois. Pour faire simple, les quatre cavaliers de l'apocalypse peuvent être identifiés au réchauffement climatique, à l'Occident, aux BRICS ou émergents et au djihadisme. Le réchauffement climatique nous menace tous et tous sont responsables mais personne ne veut rien lâcher, qui son niveau de consommation et son mode de vie, qui son aspiration à une vie meilleure et un meilleur partage des ressources. Malgré le ralliement du pape mais qui ne lâche rien sur la démographie, la conférence climatique de Paris se terminera sans aucune avancée réelle si ce n'est un satisfect BA de Hollande as usual. La crise de 2008 a mis à mal la domination du bloc occidental face à la montée en puissance des BRICS, l'hégémonisme. Des USA et du dollar est particulièrement menacé par l'énorme déficit américain et les distorsions de son économie. Les deux champions des BRICS, Chine et Russie, veulent prendre toute la place qui leur revient sur les plans économiques et géopolitiques. Comme l'écrivait Brzezinski en 1997, un rapprochement Union européenne-Russie-Chine serait mortifère pour les Américains. La séquence historique que nous traversons depuis 2007-2008 est marquée par la guerre totale pour maintenir la domination du monde américain sur le reste du monde. Phase 1, cœur de crise, urgence monétaire, la pluie de dollars sauve les banques et le système. Phase 2, guerre des taux des dettes souveraines en Europe. La guerre de l'euro a favorisé en outre un départ massif des capitaux occidentaux placés chez les BRICS, provoquant ainsi des difficultés monétaires et financières dans ces pays, particulièrement Inde et Brésil, et des tensions chez les exportateurs. La guerre de l'euro s'est terminée par l'arrivée de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne en 2011, à un ancien de Goldman Sachs proche de la finance US, et de Mario Monti de la Trilatérale Europe à la tête de l'Italie, et du New Leader Hollande en France. Phase 3, crise multiple et révolution colorée. Le smart power d'Obama s'ingénie alors à multiplier les points de tension dans le monde, récupération des révolutions arabes et dérives islamistes, tension en mer de Chine et du Japon et redéploiement massif de la flotte américaine vers l'Asie-Pacifique, tension en Géorgie, Moldavie, Iran, Russie pour les présidentielles de 2012, Ukraine, Venezuela, Argentine sur la dette des années 2000, Turquie plus récemment en rapport avec la contre-révolution arabe d'Égypte et la situation en Palestine. La révolution de Maïdan a fourni aux services américains l'occasion rêvée de planter un bout de feu en plein cœur de l'Europe centrale et de provoquer la Russie. En Asie-Pacifique, les USA ont redéployé massivement l'essentiel de leur flotte et resserré leurs alliances avec le Japon, l'Australie et la Corée du Sud. La cible est évidemment la Chine qu'il faut à tout prix affaiblir. La toute dernière attaque a commencé ces derniers jours à Hong Kong à la manière des révolutions colorées, le marketing occidental lui a déjà donné le nom de révolution des parapluies et on retrouve la même organisation des étudiants et des franges bourgeoises occidentalisées. C'est un Maïdan allumé en périphérie de l'Empire du Milieu. Attaque contre l'Inde. Le parti d'Arvind Kejriwal, parti des gens ordinaires, vient de remporter les élections du district de Delhi en surfant sur les thèmes de la corruption et de la pollution avec le balai comme symbolique. Ce parti est issu du vaste mouvement de lutte contre la corruption de 2011 sous l'égide du quasi-gourou Anna Hazare, massivement soutenu par Awaz, qui a du jour au lendemain réuni plus de 500 000 signatures et regroupé la société civile de la nouvelle classe moyenne urbaine connectée. En tout cas, cette présomption d'ingérence américaine a été publiquement dénoncée par les dirigeants du parti du Congrès, comme on peut le lire sur cet article de Radio-Canada, https://fr-santiar.actualite.yahoo.com. On peut lire d'autres infos sur Hazare, personnage complexe, dans cet article du Monde. http usi-pacific-article-2011-08. Anna Hazare et Arvind Kejriwal ont d'ailleurs tous deux obtenu dans les années 2000 le prix Ramon Magsaysay, sorte de prix d'excellence asiatique créé en avril 1957 par les administrateurs du Rockefeller Brothers Fund basé à New York en partenariat avec le gouvernement philippin. Aux élections législatives de l'été 2014, les 814 millions d'électeurs ont élu le nationaliste hindou, Narendra Modi, au poste de Premier ministre. C'est une avancée pour les Américains. En effet, le nationalisme hindou n'aime ni la Chine ni les musulmans et cela fournit aux USA deux leviers d'action potentiels et Obama, himself, est venu rencontrer Modi en Inde fin janvier 2015. Il semble cependant que Modi soit prêt à jouer sur les deux tableaux, BRICS et USA, en attendant de voir comment le vent va tourner. Tant que le dollar reste la monnaie de référence, la finance américaine peut imposer ses lois à tout État suffisamment impliqué dans le commerce mondial. Les énormes sanctions de plusieurs milliards de dollars contre différentes banques, dont la Banque nationale de Paris, la relance de l'affaire Yukos par la Cour de la Haye et la rançon de 50 milliards demandée à la Russie, ainsi que les pressions financières du milliardaire sioniste Paul Singer contre l'Argentine, illustrent bien cette impérieuse loi de la finance US. Les récentes tentatives des BRICS de créer des marchés internationaux en monnaie indépendante du dollar et leur volonté de créer une banque mondiale alternative risquent de mettre à mal l'hégémonisme américain. Il y a donc actuellement une course de vitesse entre la montée en puissance et en autonomie des BRICS et la volonté US de défendre les privilèges du dollar. On peut rappeler à ce propos qu'une ambition semblable de Kadhafi pour les marchés africains avait précipité le sort tragique de la Libye. Le djihadisme, lui, se revendique comme cavalier de l'apocalypse. Comme l'a récemment déclaré le juge antiterroriste Trevidic, la religion n'est pas réellement le moteur principal du djihad. Ceux qui partent faire le djihad agissent ainsi à 90% pour des motifs personnels, pour en découdre, pour l'aventure, pour se venger, parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société. Et à 10% seulement pour des convictions religieuses. Pour certains, le djihad remplit le vide laissé par la disparition des messianismes révolutionnaires, l'effondrement de l'alternative communiste et comme seule alternative l'hédonisme consommateur occidental et ses cohortes de laissés pour compte. Avec en arrière-plan tous ces lambeaux d'histoire éclatés, califat ottoman, colonialisme, Palestine, hégémonisme occidental. Sur le terrain, le djihadisme, de plus en plus incarné par l'État islamique, se nourrit du chaos des vestiges des guerres occidentales en Afghanistan, Irak, Libye, Palestine, bientôt Syrie. Il s'appuie sur le désarroi des populations malmenées par des régimes corrompus à la solde de la mondialisation financière, populations partagées entre conservatisme religieux et frustration de l'hédonisme consommateur occidental. Enfin, il bénéficie des complicités tacites, à des degrés divers, de tous les adversaires du chiisme et de l'Iran, et cela fait hélas beaucoup de monde. financé directement au début par les émirs du Golfe avec la bienveillance de l'oncle Sam, les djihadistes ont servi de supplétifs des révolutionnaires syriens ou libyens au moins jusqu'en 2013, époque à laquelle nos grands médias ont bien été obligés de reconnaître leur omniprésence. Pour Frédéric Pichon, chercheur et spécialiste de la Syrie, l'ASL n'existe pas et a toujours entretenu des liens étroits avec salafistes et djihadistes. Il précise qu'elle collabore également avec Aluminium Qaïda. https://wikipedia.org/wiki/arm%c3%a9e-syrienne-libre. Ainsi, la lutte aérienne contre Daesh est-elle à géométrie très variable, des raids ponctuels on ne sait où, à la demande, des armes aux rebelles modérés ou à l'armée irakienne qui finissent entre les mains de Daesh, par contre la logistique et les circuits de financement restent efficaces, ce qui est étonnant compte tenu des moyens de surveillance et d'action des Occidentaux dans la région. Tant que les objectifs de ces différents sponsors n'auront pas été réalisés, Daesh aura le vent en poupe. État des conflits. Grand Moyen-Orient. Phase militaire directe en Irak, Syrie et indirecte en Israël, soutien militaire indéfectible, Liban, Jordanie, Turquie, pays du Golfe, Arabie Saoudite, pression sur les soutiens à l'État islamique et pour entrer dans la coalition. Les USA ont exercé de grosses pressions pour déstabiliser Erdogan et contrer le rapprochement avec la Russie et le projet de gazoduc Turkish Stream qui devrait passer à travers la Turquie, la Grèce, la Macédoine et la Serbie pour desservir l'Union européenne en gaz russe. Pur hasard, la Macédoine a fait l'objet de deux tentatives de déstabilisation, attaque de commando kosovar, puis ébauche de révolution colorée. À propos de géopolitique gazière, on peut observer que le projet concurrent Nabucco Union Européenne-USA, depuis les crises d'Ukraine et syrienne, envisage de remplacer le gaz d'Iran par celui d'Irak et d'Égypte. Le trajet emprunterait alors la zone occupée par l'État islamique. Pure coïncidence. Phase militaire directe en Afghanistan, pays d'éclosion d'Al-Qaïda. Sous l'égide de Ben Laden et de la CIA contre l'URSS, où les attentats subsistent malgré les élections démocratiques et où 2015 a connu une intensification des combats et des attentats. Le Pakistan mène une véritable guerre dans les zones tribales et subit des attaques terroristes permanentes, les drones américains s'y emploient à abattre un maximum de suspects. Pression et soutien de l'armée en Égypte, coup d'état de Sisi et féroce répression, et en Tunisie. Écrasement militaire de la Libye, le chaos s'est installé et favorise à la fois le développement de réseaux terroristes et des flux massifs de migrants divers vers l'Italie et l'Europe. Phase militaire directe en duo avec la France au Sahel, Mali, Centrafrique, Niger et au Nigeria. Pression sur l'Iran et embargo, les négociations sur le nucléaire civil semblent évoluer favorablement malgré le blocage français en soutien d'Israël et en conséquence, les dernières évolutions qui voudraient également limiter les armements classiques de l'Iran. L'exemple même de la négociation à tiroir comme celle de l'Union européenne avec la Grèce. Pression sur le Soudan et embargo contourné par la Banque nationale de Paris sévèrement puni par les USA. Phase militaire directe sur le Yémen et la Somalie, drone, la situation au Yémen s'est aggravée et compliquée de par le réveil de la guerre civile récurrente des partisans houthis sur fond de rivalité chiite sunnite et Iran-Arabie Saoudite. Il est inconcevable que la CIA, très présente au Yémen pour combattre l'importante base d'Al-Qaïda, n'ait pas pu anticiper cette révolution houthiste, certains pensent même qu'ils l'ont laissé faire les agents iraniens qui soutiennent les houthis, voire même qu'ils leur auraient donné un coup de main. La géopolitique américaine est très pragmatique, il est intéressant d'améliorer les relations avec l'Iran pour aboutir dans les négociations sur le nucléaire et obtenir du soutien dans la lutte contre Daesh en Irak, de façon plus cynique, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau front chiite / sunnite aux portes de l'Arabie Saoudite et de contrôler un peu plus ses éventuelles tentations de s'autonomiser de la politique US. Europe. Russie-Ukraine, les sanctions contre la Russie se font de plus en plus dures mais n'ont que peu d'impact sur les USA, par contre elles touchent durement le commerce franco-russe, affaire des Mistral non livrés, crise dans de nombreux secteurs agricoles. Malgré les accords de Minsk, les USA jouent la stratégie de tensions multiples. Le nouvel ambassadeur US à Moscou est d'ailleurs John Tay, qui n'était rien d'autre que l'ambassadeur US en poste à Kiev, celui qui discutait avec Victoria Nuland, feu de l'Union européenne. Du choix du futur premier ministre ukrainien, comme le hasard fait bien les choses, on se souviendra qu'il était en poste en Géorgie en 2008 lors de l'invasion de l'Ossétie par l'armée de Saakashvili conseillée par les Américains. Quant à Saakashvili, poursuivi par les nouvelles autorités élues de son pays depuis 2013 et réfugié aux USA, il vient d'être nommé par Poroshenko Obama gouverneur de la province d'Odessa. On se doute bien que ce n'est pas pour favoriser le règlement des tensions Occident-Russie quand on observe que cette province constitue avec la Moldavie la frontière de la Transnistrie, province russophone moldave se déclarant indépendante depuis les conflits nés en 1991 de la chute de l'URSS. La Transnistrie est soutenue militairement et économiquement par la Russie et depuis 2005 un détachement russe de quelques milliers d'hommes y stationne pour empêcher un nouveau conflit avec la Moldavie. La situation se complique encore du fait de l'adhésion de la Moldavie au pacte oriental européen et d'une revendication assez commune de vouloir reconstituer l'ancienne Moldavie avec la Roumanie. On a donc là une poudrière que Saakashvili n'hésitera pas à allumer à la demande des Américains et au nom d'une saine démocratie. Sur un autre front, la Cour de la Haye relance l'affaire Yukos et demande 50 milliards à la Russie pour la spoliation des actionnaires dont Khodorkovsky lors de la nationalisation de sa compagnie pétrolière. À la mi-juin 2015, la France et la Belgique ont commencé à saisir des avoirs russes démontrant ainsi leur soumission totale à la géopolitique américaine au détriment de la stabilité européenne. Grèce, les USA poussent pour un allègement de la dette grecque, en témoigne le dernier rapport du FMI, les interventions de Krugman et Staglitz et même une pétition de Havas en direction de la chancelière Merkel. Ce soutien des USA s'explique par leur crainte qu'un Grexit ne pousse la Grèce dans les bras de la Russie. Après le non au référendum, ce soutien US demeure la dernière petite chance pour les Grecs de rester dans l'euro. Additif du 13/07, c'est bien ce qui s'est passé, au prix d'une vraie mise de la Grèce sous tutelle et d'une austérité qui n'est pas viable. Rendez-vous dans quelques mois. On a vu plus haut les manifestations en Macédoine pour contrer le projet Turkish Stream. L'Arménie semble faire l'objet depuis plus d'une semaine de manifestations antigouvernementales impulsées par les réseaux sociaux contre la hausse du prix de l'électricité. L'Arménie avait refusé le partenariat européen. Amérique latine. Le Venezuela est déjà dans le collimateur US depuis le coup d'État contre Chavez en 2002. Le Brésil de Dilma Rousseff, très active dans les BRIC, est une autre cible des USA. Tout comme la zone euro ou l'Inde, le Brésil a dû faire face à des difficultés financières et monétaires liées à la fuite des capitaux étrangers après la crise des subprimes. Dilma Rousseff a bien été réélue, mais outre la piteuse défaite des Brésiliens au foot, elle a dû affronter les scandales de corruption autour de Petrobras et la montée en puissance de mouvements sociaux relancés par les réseaux sociaux à la mode, révolution colorée, agitant classe moyenne et bourgeoise avec même des manifs casseroles comme au temps d'Allende. La même méthode s'appliquait au même moment contre Erdogan, coupable de négocier avec Poutine. Dilma Rousseff a du souci à se faire avant le début des JO de Rio, ça va chauffer dur. Elle argentine de Madame Kirchner n'échappe pas à la vindicte de Washington et elle est poursuivie par la justice américaine, saisie par le fonds Vautour NML du milliardaire républicain américain Paul Singer. Le président équatorien Correa dénonce également les manifestations des libéraux et des classes moyennes contre l'augmentation de l'impôt sur les successions. Depuis plusieurs jours, les manifestants occupent les rues et demandent la démission de Correa. De façon plus générale, le journal mexicain, La Jornada, fait état d'une déstabilisation en cours en Amérique du Sud. Dans ce contexte, l'UNASUR a demandé le retrait de toutes les bases américaines de leur territoire et dénonce le fait que la base aérienne états-unienne de Soto Cano, au Honduras, a reçu ce mercredi le renfort d'une nouvelle unité spéciale. Évolution probable. La rencontre la plus importante de l'actualité géopolitique est le sommet des BRICS à Ufa en Russie du 8 au 10 juillet 2015, suivi ensuite par la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Lors du 7e sommet tenu à Ufa, les États membres des BRICS ont annoncé le lancement de la nouvelle banque de développement, NBD, des BRICS et d'une réserve d'arrangement de devises, contingent reserve arrangement, CRA. Les dirigeants de l'OCS adopteront une résolution afin d'entamer les procédures d'adhésion à l'OCS de l'Inde et du Pakistan en tant qu'État membre à part entière. Créée en 2001, l'OCS compte actuellement 6 pays membres, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, la Mongolie et le Pakistan ont le statut d'observateur, et la Biélorussie, la Turquie et le Sri Lanka sont des partenaires de dialogue. On observe donc que les grands États de l'Eurasie hors Union européenne s'organisent pour mieux harmoniser l'avenir de cette immense région en évitant de tomber dans les pièges que les USA ne manqueront pas de leur tendre pour sauvegarder son hégémonie. Si l'Union européenne ne se décide pas à jouer son propre jeu sur son continent et à s'autonomiser par rapport à son allié américain, il est alors très probable qu'elle explosera dans un climat de guerre froide de plus en plus dangereux. Un bloc allemand, un bloc français comme aux plus belles époques. On ne peut qu'être très inquiet pour les futurs chaos à venir dans le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Israël reste bien sûr l'un des nœuds gordiens de la stabilité régionale. Si l'on ne trouve pas de solution équilibrée pour la Palestine, le nœud gordien ne pourra être tranché que dans le fracas de l'apocalypse. Le pouvoir de déstabilisation politique, financier et économique restera fort en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Les cibles de déstabilisation purement politique et économique sont en priorité le Brésil et l'Argentine, qui rentreront assez rapidement dans le giron de l'oncle Sam et du marché libre et non faussé. Ce petit tour du monde ne serait pas complet si on ne rappelait pas le budget militaire colossal des US à environ 700 milliards de dollars, 40% du total des budgets militaires mondiaux, plus de 1000 bases dont près de 800 à l'étranger. Dans le même temps, les USA procèdent à une remise à niveau considérable de leurs armements nucléaires, comme l'analyse le journaliste Manlio Dinussi d'Il Manifesto. La Russie, selon le rapport préparatoire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, améliore également ses capacités de réaction, comme on a pu le voir lors de la prise de la Crimée. La Russie prétend ne pas se livrer à une course aux armements avec les pays de l'OTAN, mais elle admet que cette modernisation vise à réagir à des menaces, telles que la création de systèmes antimissiles balistiques par les États-Unis et l'OTAN, la militarisation de l'espace et la consolidation des forces de l'OTAN. La Chine consacre d'importants budgets à la modernisation de ses forces armées depuis que les USA ont déployé leurs moyens vers la zone Asie-Pacifique. Ces efforts visent à développer ses capacités nucléaires, électroniques et informatiques dans le but d'avoir une réelle capacité dissuasive. Elle a atteint un haut niveau de performance dans le domaine des missiles guidés et développe sa flotte de navires et sous-marins pour sécuriser ses approvisionnements en cas de conflit. Ces dépenses ne sont qu'un peu plus du tiers de celles des USA. Les USA dépensent plus de 1,8 milliard de dollars par jour, ou près de 21 000 dollars par seconde. L'Arabie Saoudite est le pays dont les dépenses militaires ont connu la plus forte augmentation en 2014, soit 17% de hausse. On dit qu'elle achète pas mal d'armes pour le compte des djihadistes de l'État islamique. https://wikipedia.org/wiki Le rapport, en surin à Strong Defense for the Future, ne cache d'ailleurs pas cette volonté interventionniste et les cibles désignées. Ce rapport, Assurer une défense forte pour le futur, a été rédigé par le National Defense Panel, un groupe d'anciens hauts responsables civils et militaires, missionnés par le Congrès pour fournir un regard critique sur le calendrier prévisionnel officiel du Pentagone, le plan quadriennal de défense 2014. Voici quelques extraits du rapport traduits par mes soins détaillant les menaces principales relevées dans ce rapport. Dans le contexte actuel de menaces, les États-Unis pourraient, selon toute vraisemblance, être amenés à mener des actions préventives ou à combattre dans plusieurs régions sur des périodes qui se superposent, dans la péninsule coréenne, dans les mers de Chine orientale et méridionale, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, et pourquoi pas en Europe. Les États-Unis sont également confrontés à la possibilité d'avoir à faire face à des adversaires dotés de l'arme nucléaire. Voilà qui fait froid dans le dos et on comprend mieux pourquoi il est minuit moins 3 à l'horloge de l'apocalypse. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.